Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode numéro 1. Au début, naturellement, il n'y a rien. Enfin, quand je dis rien, si, il y a quelque chose. Ce quelque chose, aucun mot de notre langue ne pourrait le définir, le décrire ou nous aider à le comprendre. Difficile donc de vous transmettre cette histoire. Je vais cependant essayer, avec l'imperfection de mes mots, de mon vocabulaire et de ma grammaire. Je fais le pari ainsi de vous passer le témoin de l'indicible. À vous dès lors de colmater les vides avec votre imagination. Ce rien, donc, se nomme pourtant Nanou. Tout autour de cette chose, ce que nous pourrions appeler boue. De cette boue, Nanou crée ce que nous pourrions appeler enfant. Nanou les nomme, puisqu'une chose n'existe qu'avec un nom, n'est-ce pas? Elle ou il, appelle ses enfants Mao et Lisa. Tous deux jouent dans cette boue et créent de ce que nous pourrions appeler doigt, ce que nous appelons monde. Tous deux se querellent sans cesse, un peu comme les frères et sœurs ici-bas. Ils ne sont jamais d'accord. Quand l'un crée, l'autre détruit. Quand l'autre construit, l'un anéantit. Et c'est ainsi depuis le début. Aussi, lorsque Mao commence à rassembler de la boue en une sorte de boule, Lisa l'aplatit un peu. Lorsque Lisa décide des couleurs de ce que nous appelons ciel et terre, Mao y trempe les doigts pour mélanger les teintes. Tous deux passent après l'autre et modifient constamment ce qui a été produit. Leur réaction à chaque correction? Nous pourrions dire hurlement, coup, colère, mais nous serions bien loin du compte, je crois. Nanou, fatiguée ou fatiguée de tant de cris et de conflits, en bon parent, enlève l'objet de la dispute. Nanou prend des mains de Mao et de Lisa ce que nous appelons globe terrestre. Malheureusement, il n'était pas encore sec. Et Nanou, en manipulant la terre, y laisse son empreinte. Mon, vallée, massif, lit de rivière et fond des mers sont les signes de cette dispute millénaire. Moi, je n'en sais pas plus. C'est comme cela que j'ai entendu raconter l'histoire. J'en ai peut-être un peu rajouté pour me faire mieux comprendre, mais l'essentiel a été dit, non ?